vous imaginez un monde sans musique où nul ne peut chanter. Hola, la musique. A partir d'aquests moments, amb Rafael Corbé. Rien que du silence. De la musique. La música i la música cantada en francès a partir d'aquests moments, amb el segon dels nostres programes dedicats a la música variada. En diem, i permeteu-me que us ho digui així, programes de vacances, perquè és el que ara mateix nosaltres tenim. Per tant, prepareu-vos a la selecció musical que per al programa ben diferent en el dia d'avui us hem preparat en gent, com per exemple, François Berenguer. Voilà le soleil, on ne l'attendait plus celui-là qui fait fumer le vieux goudron mouillé. À moins que ce soit les phares d'une balayeuse qui racle dans la nuit toutes les saloperies. Ça y est, je l'ai enfin trouvée, mais je ne sais pas où elle est. Je marche dans la forêt des rues, je sonne au porton, crois que j'ai bu. Si jamais vous l'apercevez, dites-lui que je l'attends où elle sait. Elle ne pourra pas se tromper, ça fait 1000 ans qu'on est à se chercher. Sous le monument aux oiseaux, suspendu entre deux eaux dans le ciel, voilà le bonheur, on ne l'attendait plus celui-là qui me transforme en gros ballon de joie. À moins que ce soit un air comme joue mon pote le pote qui prend mes nerfs pour des cordes à violon. Ça y est, je l'ai enfin trouvée, mais je ne sais pas où elle est. J'ai arpenté tous les quartiers sauf l'échangeur et le grand marché. Où es-tu, amour, que fais-tu? Par quel inconnu es-tu retenu? Ta mémoire s'est-elle envolée que tu ne te souviennes vraiment plus du monument aux oiseaux suspendu entre deux eaux? Voilà le printemps, on ne l'attendait plus celui-là qui fait vibrer la ville qui dormait. À moins que ce soit tous les gaz délétères qui se propagent en pourrissant la terre. Ça y est, je l'ai enfin trouvé, mais je ne sais pas où aller. Le mieux, c'est de ne plus marcher, pas crainte de m'en éloigner. Je m'assieds dans le terrain vague, là où la lune fait pousser des forêts. Peut-être en y croyant encore, vais-je m'envoler très loin de mon corps, jusqu'au monument aux oiseaux, suspendu entre deux eaux. L'âge idiot, c'est à 20 fleurs, quand le ventre brûle de faim, qu'on croit en se laver le cœur, rien qu'en se lavant les mains. Qu'on a les yeux plus grands que le ventre, qu'on a les yeux plus grands que le cœur, qu'on a le cœur encore trop tendre, qu'on a les yeux encore pleins de fleurs. Mais

vieil homme épuisé s'est éteint. Mais vit encore. Així hem escoltat François Berenguer amb el monument Ouzó, que ens acompanyava, però també Jacques Brel amb aquesta De l'edat idiota, és el títol d'aquesta cançó, i també a Pascal Danel amb El vell roure, és la cançó que acabem d'escoltar. Amb aquest programa del dia d'avui que ens porta un repàs a diferents artistes i a diferents cançons. El planeta dels bojos és la cançó que ens porta l'artista francès en terrels espanyoles, en Lenny Escudero. Després serà el moment de la participació de l'Àngel Rodríguez amb el nostre programa. J'ai bu 31 café crème en t'attendant. J'ai peine à dire que je t'aime. Je t'aime pourtant. Les gens du café me regardent en rigolant. Ils chantent, ils boivent, ils bavardent. J'ai froid dedans. J'ai froid dedans. Vaincre l'éphémère, pour vaincre le néant, m'allonger sur la terre et lui faire un enfant sans mémoire, un qui n'aurait pas peur. Qui prendrait la nuit noire pour un bouquet de fleurs, pour un bouquet de fleurs. Un enfant aux mains nues, sans espoir d'héritage, qui ne serait pas moi qui suis déjà venu, qui me prenant la main quand je ferai naufrage, me crierait vie encore, je ne t'ai pas connu, qui n'accepterait pas la volonté des armes, ni des dieux ni des hommes, prêchant l'humanité, et pour mon dernier cri, découvrirait les larmes désespérées de voir ma non-éternité. J'ai bu 31 café crème en t'attendant. J'ai peine à dire que je t'aime. Je t'aime pourtant. Les gens du café me regardent en rigolant. Ils chantent, ils boivent, ils bavardent. J'ai froid dedans. J'ai froid dedans. Pour vaincre l'éphémère, pour vaincre le néant, m'allonger sur la terre et lui faire un enfant. Un enfant sans mémoire, un qui n'aurait pas peur, qui prendrait la nuit noire. que de fleurs. Et puis qui s'en irait sans regret pour nos fêtes, pour devenir enfin enfant de l'univers, se referait étoile, se referait planète et nous contemplerait hors des espaces verts. Et puis de temps en temps penserait à sa mère, et puis de temps en temps baissant les yeux sur nous, dirait à d'autres mondes: la plus bleue, c'est la terre aux fleurs coupées, la planète des fous. J'ai bu 31 cafés crème en t'attendant. J'ai peine à dire que je t'aime pourtant. Les gens du café me regardent en rigolant. Ils chantent, ils boivent, ils bavardent. J'ai froid dedans, j'ai froid dedans. Pour vaincre l'éphémère, pour vaincre le néant, m'allonger sur la terre et lui faire un enfant sans mémoire, un qui n'aurait pas peur, qui prendrait la nuit noire pour un bouquet de fleurs, pour un bouquet de fleurs. Puis reviendrait sur la terre pour sa dernière escale, et là deviendrait femme, le ventre mis à nu, balayerait de la main temples et cathédrales, remettant à genoux les dieux non advenus, et dirait: je reviens pour donner à la terre un enfant qui veut vivre debout. Le droit divin est mort, il est comme ses frères, celui-ci aimera la planète des fous. És la música de la Music, amb un servidor, en Rafael Corbí, avui artistes diversos, Jacques Brel, Pascal Danel, Lenny Scudero, i ara és el moment de que l'Àngel Rodríguez ens porti la seva col·laboració d'aquesta setmana. Hola, què tal? Salutacions ben cordials. Avui us proposo d'aquí a la Music aquest duet belga anomenat Delta amb la cançó Getir, i que ha estat una de les peces més comercials a les ràdios de la francofonia durant la primavera de 2018. Espero que us agradi. Getir, amb vosaltres, el duet Delta. Je tire sur tes mentoles, des cigarettes, parfum rigole. Je tire et je m'en balance. Je tirerai sur l'ambulance. Je tire sous la bouteille. Tous mes démons sont des merveilles. Je tire à bout portant. Des larmes au dernier caïman. Je tire au cœur, je tire à blanc.

bouge sans les airs. Moi je me lève et toi tu me menaces de partir. Parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la peur. Car tu sais que plus rien. El segon senzill extret d'aquest àlbum va ser la cançó que tot just escoltarem ara. Sí, a dia va ser realitzada el 12 de setembre de 2011. Golden Baby ho va ser el 27 de febrer del 2012, sent també una cançó prou important de la seva discografia. Aquests van ser els dos senzills oficials d'aquest àlbum de cor de pirata, d'aquest Blond, d'aquest àlbum del 2011, a càrrec d'aquesta cantant d'Outremont, la cantant del Quebec, on va néixer anys enrere, no gaires, però no us penseu, el 22 de setembre del 1989, com a Beatrice Martin. Hi ha un altre tercer senzill, però no oficial, sinó que es va extreure en certes latituds. Era la cançó melancòlica, anomenada Plaça de la República. Pública. s'est connu le temps de plaire. Aux exigences qu'on s'est créées, mais on s'y perd. Tu n'es qu'à quelques kilomètres. Et nos cœurs sont restés dans cette mer. J'ai couru en longeant la Seine. Espérant te retrouver, l'âme sereine. J'ai couru sans savoir comment, ni pourquoi on s'en bat. On ne s'est connu qu'un moment. Et je ne sais plus si tu en voles. C'est plutôt dur d'en être certaine. Et quand tu sers à la peur des termes, ce soir ne m'oublie pas. Je t'attendrai au moins le temps des tirs que j'ai voulu prendre. Le plus grand risque, un soir qui m'a rendu bien triste, un soir place de la République. C'est bien la fin. Je dois traverser l'océan demain matin. De tes bras, je m'arracherai tout doucement. Et c'est la réalité qui m'attend. Je sais ton cœur est habité par une ou d'autres filles qui t'ont marqué. Moi je suis moins fort que les autres, mais j'espère. Acabem aquest repàs amb aquest àlbum amb una cançó que originalment no pertanyia amb aquest disc, que poc després de la seva edició es va editar a través de iTunes al Canadà, una edició especial que incluïa aquesta cançó que ara escoltarem d'aquest àlbum, que va arribar al número 1 de les llistes quebequeses. I poc després també va sortir una edició de Lux que incluïa, a part de la cançó que escoltarem ara, Hotel Amor, també el Prince Arthur, dues cançons extres per aquest disc de cor de pirata que avui hem escoltat. Ens acomidem amb Hotel Amour. On s'est revu dans cette chambre 503. Les murs me disent que tu quitteras cette fois. Mais redis-moi encore cette prière, celle qui nous... J'ai vu des âmes se fondre à mes côtés, ne sachant plus ni comment m'aimer. Il ne devint que poussière d'étincelles, celles qui s'éteignent

problème, où est la frontière entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur, ascenseur pour le ghetto, au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma de Paris. La companyia d'en Hamid, la seva música i aquesta cançó que ens arribava amb els ritmes de Mali. Seguim endavant i ho fem ja a la recta final de la Music per aquesta setmana. Cançons com les de Sheila, Charlotte Gainsbourg o François Hardy.

Acabem el programa d'aquesta setmana de La La Music. Ja us hem dit que era un programa més eclèctic amb tota la seva música, d'aquests programes que nosaltres ens agafem de tant en tant, sobretot quan no estem al vostre costat. Eren la Sheila, la Charlotte Gainsbourg, la François Hardy, amb aquesta cançó que també ens arribava. I per acabar, una peça d'en Nino Ferrer, aquest artista que també ens acompanya, Nino Agostino Maria Ferrari, conegut com a Nino Ferrer, cantant francès però d'origen italià, nascut a Gènova l'any 1934. La cançó que hem triat avui d'ell per acabar el programa és Aquella casa propera a la font. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera a La La Music. La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée, sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. Les guêpes et les nids des oiseaux, on allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur le curé, on se c'est le progrès.